et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses.